Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie. Chapitre 1er, 4e paragraphe. Le buisson ardent, la verge de Moïse. Dans le buisson que vit Moïse et qui brûlait sans se consumer, nous trouvons une nouvelle figure de Marie. Nous y reconnaissons sa virginité sans tache et digne de toute louange. Ainsi, avec l'Église, tout fidèle peut dire en parlant de Marie, « Allons, contemplons un instant cette étonnante merveille, sermon pour le dimanche de l'octave de l'Assomption de Marie, c'est en effet une grande merveille, dit Saint Bernard, qu'un buisson qui brûle sans se consumer. » Rappelons-nous cependant la défense faite à Moïse. Gardez-vous d'approcher, lui dit l'ange, ôtez les souliers de vos pieds, car le lieu où vous êtes est un lieu saint. Exode 3, 5, voir Cornelius à Lapide à cet endroit. Mais pourquoi ôter sa chaussure? Cela veut dire que, pour s'en approcher, il faut déposer toute affection terrestre, tout désir mondain, toute attache aux choses de la terre, afin d'être mieux disposé à recevoir les lumières célestes. Cela veut dire encore que nous devons nous montrer véritables serviteurs de Marie, puisqu'ôter sa chaussure est un signe de dépendance et d'esclavage. Nous voici près du foyer, que voyez-vous? Un buisson qui brûle, qui lance des flammes ardentes, et qui ne se consume pas. Que reconnaissez-vous dans ce prodige? Nous l'avons déjà dit, nous y reconnaissons Marie, qui dans son enfantement conserva intacte sa virginité, mais pourquoi plutôt un buisson que toute autre chose? Remarquez-le bien, dit Corneille de la Pierre, le buisson est la plante la plus vile en apparence, et elle est tout entourée d'épines. Si donc quelqu'un veut, à l'imitation de Marie, conserver dans tout son éclat la belle vertu de pureté, qu'il aime les humiliations, les mépris, les mortifications, la pureté est un lys qui ne se rencontre qu'au milieu des épines. Si Marie, bien que maîtresse de ses sens, se soumit néanmoins, pour conserver la blancheur de son âme, à de si grandes mortifications, que l'Esprit Saint la compare à un lys au milieu des épines. Prétendons-nous conserver la pureté sans nous mortifier, sans rien souffrir, nous, chez qui les passions sont vives, la concupiscence violente? À désabusons-nous, ce serait tenter une entreprise impossible. Cependant Saint Bernard voit dans le buisson ardent, une autre figure de Marie. Sermon pour le dimanche de l'octave de l'Assomption de Marie numéro 5. Marie brûle et ne se consume pas. Mais de quel feu brûle-t-elle? Du feu sacré de l'amour divin. Mais quelle ne fut pas l'ardeur de ce feu qui brûlait dans le cœur de Marie? Ô Dieu, les séraphins eux-mêmes ne pourraient nous le dire. Dans l'Apocalypse, on la représente comme une femme revêtue du soleil. Le soleil l'entoure de toutes parts, le soleil la pénètre, l'enflamme et l'embrasse du feu ineffable de la charité, et Marie n'est pas consumée. Elle vit encore dans cette chair mortelle, au prodige. De quelle nature est donc cette admirable Vierge? Le même saint observe que s'il n'est pas de la nature du buisson d'être tout entouré de flammes sans se consumer, il n'est pas moins contraire à la nature humaine, d'être revêtu du soleil et d'en supporter les ardeurs. Un tel prodige surpasse toutes les forces créées, et ne requiert rien moins que la vertu de Dieu même. Au témoignage de Saint Bernard, aussi est-il dit, l'Esprit Saint descendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. L'Esprit Saint est descendu en Marie, il l'a fortifiée et rendue capable de soutenir le feu de la charité, Il lui a prêté son ombre, pour la protéger contre les ardeurs ineffables dont son âme est embrasée. Vous comprenez maintenant comment Marie put vivre au milieu des flammes d'un si vif amour sans se consumer, rien d'étonnant que sous un tel ombrage, elle ait pu supporter un tel vêtement. Ô Marie, abîme de charité, fournaise d'amour, plus ardente que les séraphins eux-mêmes, il a fallu que Dieu, par un effet de sa puissance, vous fortifia pour que vous puissiez vivre dans un corps mortel et faire plus longtemps ici-bas le bonheur des hommes. Que, vous dirais-je, moi qui suis si misérable, si tiède, si froid, ne faut-il pas un miracle d'un autre genre, mais bien plus étonnant pour me conserver la vie au milieu de ce froid qui me glace? Ô mon pauvre cœur, comment peux-tu te soutenir sans ce feu céleste qui anime toutes choses? De quelle nature es-tu donc? Peux-tu vivre sans aimer ce bien infini, seul objet digne de ton amour? Que feras-tu donc? Voudrais-tu mourir dans cette indolence? Ah non, adresse-toi à Marie, à la mère du pur amour. Sais-tu pourquoi l'Esprit Saint a allumé dans son cœur une charité si brûlante? C'est afin qu'elle pût enflammer ensuite les cœurs froids et glacés. Ô Marie, j'ai recours à vous, donnez-moi une étincelle de ce feu dont le vôtre est tout enveloppé, une étincelle, ô ma mère, une étincelle suffira pour le brûler et l'enflammer. Faites, ô ma mère, que mon cœur soit embrasé d'amour pour Jésus-Christ, mon Seigneur, afin que je sois agréable à ses yeux. Je le répéterai sans fin, je ne cesserai de vous faire cette demande, jusqu'à ce que vous m'ayez exaucé. Que d'autres recherchent les biens de ce monde, pour moi, je m'en mets peu en peine, je veux l'amour, je ne demande que l'amour. Voyons l'autre figure, qui est la Vierge de Moïse et d'Aaron. Selon saint Bernard, second de Mélie sur les gloires de la Vierge Mère, c'était une seule et même Vierge qui portait tantôt le nom de Moïse, tantôt celui d'Aaron. Nous suivons ce sentiment. Or que trouvons-nous dans la Vierge d'Aaron, qui fleurit sans être arrosée? C'est un symbole de la pureté virginale de Marie, qui, sans avoir reçu la rosée de la terre, produisit la fleur de Jessé, ce fruit de vie, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fait mention de cette verge en bien des circonstances, et partout, continue saint Bernard, elle représente Marie. Suivons ce saint docteur, Dieu. Touché de compassion pour son peuple, charge Moïse de sa délivrance. Moïse représente Jésus-Christ, qui devait délivrer, non pas une seule nation, mais le genre humain tout entier de l'esclavage dans lequel il gémissait depuis si longtemps, sous le joug de l'infernal Pharaon. Et afin que la figure rappelât mieux son objet, le Seigneur dit à Moïse, « Je vous constitue le Dieu de Pharaon. » Mais remarquez une chose, c'est qu'après l'avoir établi le Dieu de Pharaon et de l'Égypte, le Seigneur ne voulut pas qu'il opérât un seul prodige sur Pharaon et sur l'Égypte sans un moyen, un instrument. Il lui donne une verge avec laquelle il devait opérer ses merveilles. Moïse ne pouvait-il faire des miracles par le seul secours de sa voix? Comme le fit après lui Josué quand il arrêta le soleil, pourquoi fallait-il qu'il se servît d'une verge? On ne peut résoudre cette question, si l'on ne fait attention à ce que signifiait cette verge, puisque tout était figuratif sous l'ancienne loi. 1 Corinthiens 10:41. Voir Cornelius à Lapide à cet endroit. Que signifie donc la verge? Nul doute qu'elle ne puisse signifier l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, elle peut aussi signifier la croix, par le moyen de laquelle il a opéré la rédemption des hommes. J'accorde même que ce soit là le principal objet de cette figure. Mais rien ne s'oppose à ce qu'elle représente aussi Marie. Oui, Marie est l'instrument par le moyen duquel le Verbe divin a opéré les plus grandes merveilles. Confère Honoré d'Autun. Que les ennemis de l'Église ne viennent pas encore nous accuser de déroger au pouvoir de Dieu même, en attribuant une si grande puissance à Marie. Nous proclamons qu'elle est l'instrument, mais nullement la cause principale des divines miséricordes. Oui, c'est par le moyen de Marie que l'Égypte est tourmentée, que Pharaon est terrassé, que les péchés sont effacés, que le démon est mis en fuite. C'est par le moyen de Marie que nous traversons à pied sec les gouffres les plus profonds de la mer de ce monde, que nous traversons, que nous surmontons les périls inévitables qui se rencontrent sous nos pas. De Marie que nous nous enrichissons des dépouilles de l'Égypte, que les passions domptées deviennent notre couronne et notre gloire. Par l'influence de Marie, des cœurs plus durs que le rocher s'amollissent et laissent couler en abondance des larmes de componction. Par le moyen de Marie, les eaux les plus amères deviennent douces. Les peines et les afflictions sont remplies de suavité et de délices. Par son moyen, il s'opère chaque jour une infinité d'autres merveilles, en faveur des malheureux qui traversent le désert de cette vie. Ô Marie, je veux que vous opériez un de ces prodiges pour moi qui suis votre enfant. Vous savez que mon cœur est un rocher insensible, vous savez combien sa dureté le rend incapable de verser une larme d'un vrai repentir, pour expier tant d'offenses commises contre Dieu. Ô Vierge Sainte, touchez efficacement ce cœur, et faites-lui répandre des ruisseaux de larmes, afin que je parvienne à apaiser la juste indignation de Dieu, irrité contre moi. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.